Love. gon fi la, oui. Yo dou gon fi la. Ou ta gen ti bagay sa grand coin là. Ça ta aimé passer ça. Mon chame ba konnen. Ti gon bel ti baskil. Bon van. Alors, son question de jante. Voilà. Il gon pè jante là, c'est bagay grave. Bel baskil. Attends. Bon le bagay encore côté du ou travail l'autre côté. Yo di mon travail dans cocorico. Parce que je suis dans règle. C'est l'excès qui te donne.